vite 148. Ouais, putain, c'est ça en plus. J'avais pas lu. Fougas. Non, attends, comment c'est commencé? Écoutez, Cruchot, vous comprenez, Cruchot, que j'aimerais bien un petit nudiste, parce que là, j'en peux plus. Mais oui, mon adjudant, je vais vous en trouver des nudistes. C'est vrai que c'est les mêmes accords. Ce sont les mêmes accords. Ce sont les mêmes accords. Ce sont les mêmes accords. C'est un peu rapide. Thank you. chiant ce métronome là. Synthé qui déconne. J'ai mon synthé qui déconne. Salut Titi. Fuck off, fuck off. J'arrive plus à jouer. Toutes ces lettres là, on comprend rien là. Le bon L. Paul Césari qui nous chante le générique de Nicky Larson. Une ombre file dans la nuit. Je connais pas ça. Je connais pas Nicky Larson. Le cri de tue du cochon. It's a march, it's a good boy. Allez chercher le cochon, on veut du jambon. Metal, metal. Au fait, j'étais voir Trust en concert, c'était nul. Je disais, j'étais voir Trust en concert et c'était nul. Je regrette. Malheureusement, j'adorais Trust. J'aurais pas dû aller voir en concert. 148. C'est pas grave, on va mettre avec 148. J'arrive pas, c'est trop bas ça. Putain, je chante faux. Et on peut plus regarder les messages parce qu'il y a un monsieur qui a mis des messages. Enfin, des messages subliminaux. Avec des A, des F et des E que je comprends pas ce que ça veut dire. C'est qui écrit avec un langage chinois ou je sais pas quoi là. Ça a tout bloqué le... Attends. C'est chiant cette réverb. Allô, allô. Allô. Ça marche pas le message là. On n'entend plus, on voit plus les messages. Enfin, le dernier message que je vois, c'est Titi. Je ne vous entends plus, Marie. Allez les filles, chantez avec moi les filles. We'll be right back. fort. Trop fort. Changer le métronome, on peut rien faire.